الحمد لله الكبير المتعال، الواحد القهار، العزيز الغفار، ذو العز والجلال، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. والصلاة والسلام على الضحوك القتال، على من علمنا العز والفداء، ومقاتلة الأعداء، والسير في درب الشرفاء، محمد بن عبد الله إمام الأتقياء. ورضي الله عن الصحابة الأقوياء الذين قاتلوا من خالف الحنيفية السمحاء ولو كان من أقرب الأقرباء، وانطلقوا مهاجرين في البر والصحراء، وقدموا برهانا لذلك الأشلاء والدماء، وفتحوا الأمصار تلو الأمصار، ليعبد الناس رب الأرض والسماء. أما بعد، قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الله سبحانه وتعالى دي في سورة البقرة: Certes ceux qui cachent ceux que nous avons fait descendre comme preuve et comme guidée, après l'avoir éclairci aux gens dans le livre, c'est cela que Allah maudit et c'est cela que les maudisseurs maudissent. Sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés, ceux-là je reçois leur repentir, car c'est moi l'accueillant pour repentir, le miséricordieux. Wallah subhanallah, asbabul intikas, des retournements de situation, des chouyours. كنا نحسبهم والله حسيبهم من الربانيين وانقلبوا علينا ظهر المجن. يعني ce qui nous afflige, ce qui afflige vraiment nos cœurs et qui nous pousse à la déception, à l'amertume. Donc cette déception que nous ressentons chez certains chouyours, chez certains savants de ce tayyar, des personnalités islamiques, entre guillemets, des personnalités islamiques. Donc, ils sont parmi les premiers responsables. Ils sont parmi les premiers responsables des échecs subis par l'islam aujourd'hui. Et qui menacent de le tuer complètement s'ils continuent à cacher ce que Allah Azza wa Jalla a fait descendre et ne pas le transmettre. S'ils continuent à cacher la vérité et à dissimuler la vérité et à la mélanger avec le batel, avec le faux. Donc, ces chouyours, nas'Allah Azza wa Jalla an yarji'u ila al-haq. Wa an la Alors que, normalement, leur devoir, c'est quoi? C'est utiliser leur fatawa et leur plume dans ces moments durs pour appuyer cet appel et consolider ses bases. Consolider les bases. C'est maintenant qu'on a besoin de ces chouyours. En effet, il faut. Donc c'est dans les moments durs où on voit les véridiques des menteurs. Donc, bi'idnillah, au travers ce dars, nous allons voir esbabul intikas. Nous allons voir les causes de changement de précepte. C'est quoi les causes qui poussent la personne, le sheikh, le savant, le talib ilm, à changer ses préceptes. C'est-à-dire qu'il avait des préceptes sur lesquels il était appuyé ou sur lesquels il s'appuyait pour parler, sur lesquels il était basé, c'est-à-dire des bases de la doctrine. C'est quoi les causes qui poussent la personne à changer? Et on a vu plusieurs chouyours étaient en prison, et une fois qu'ils sont sortis de prison, ils ont changé leur précepte. Il y a, subhanallah, des choses qui étaient min samim al-aqida, c'était le cœur de la doctrine du musulman, on voit que, subhanallah, le cœur, il a été changé. Donc, s'ils continuent, ces savants, à dénigrer et à parler sur l'État islamique, et à dénigrer ces qadas, ces dirigeants, voilà, c'est les premiers à anéantir cette religion. Et on verra au travers des hadiths que le prophète, alayhi sallam, nous a enseigné que yahdimu l'islam a'imma mudallin. A'imma mudallin. Et donc, le devoir de ces chouyours, Allah Azza wa Jal an yarji ou al-haq. Le devoir de ces chouyoukh, c'est de consolider ses bases et de parler et de parler et de montrer la vérité aux gens en s'appuyant sur le kitab ou le sunna. En s'appuyant sur le kitab ou le sunna ou al-haq ou ablaj ou al-batil ou lajlaj, comme il a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et de montrer cette voie de la montrer aux autres savants, aux autres prédicateurs, désintéressés ou égarés ou je ne sais pas, afin d'écarter cette poussière qui voile la crainte partout dans le monde. Enlever cette poussière. Ulihada Jaafi Hadith Rawahu Abu Daoud wa Tirmidhi min Hadith Abi Huraira radiallahu anhu. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كتم علما ألجم بلجام أو ألجمه الله في رواية في لفظ ألجمه الله بلجام من نار أو ألجم بلجام من نار يوم القيامة. Donc le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام dit celui qui cache une science utile viendra le jour de la résurrection lié avec une bride de feu sur la bouche. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث ليس بمشهور حديث رواه الطبراني في الصغير والأوسط والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب السير باب طاعة الإمام وأخرجه أبي يعلى الموصلي في مسنده وأخرجه ابن حجر في المطالب العالية كتاب الخلاف وصححه الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. هو حديث صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة فمن أدرك ذلك الزمان منكم فلا يكونن لهم جابيا ولا عريفا ولا شرطيا. Dans ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام est magnifique. Subhanallah, le prophète عليه الصلاة والسلام dit il y aura dans la dernière décennie des dirigeants injustes. Regardez, subhanallah, on n'est pas dans ce temps-là. Il y aura des dirigeants injustes et des ministres pervers, et des juges malfaiteurs, des juges traîtres, qudat khawana, wa fuqaha'un kadhaba, wa hada huwa ash-shahid, wa fuqaha'un kadhaba, et des savants qui sont menteurs. Et on a aujourd'hui des savants menteurs. Ils mentent sur le fada'iyat, ils mentent aux gens. Ils n'ont pas vu, ils n'ont rien vu, ils connaissent rien de ce qui se passe, ils connaissent pas la réalité des choses, ils ont juste des infos à droite et à gauche, et ils parlent pour faire plaisir aux mursidin et aux kuffar. Wallahi dar man qal man fasada min ulama'ina fa fihi shibhun min al-yahud wa man fasada min 'ubadina fa fihi shibhun min nasara. Donc celui qui est corrompu parmi nos savants, il ressemble aux juifs, car ils avaient la science des juifs. Et celui qui est corrompu de nos serviteurs, des ubbad, de ceux qui adorent Allah Azza wa Jal, des croyants, des musulmans, celui qui est corrompu parmi les musulmans, فَفِيهِ شِبْهُنْ بِالنَّصَارَ فَفِيهِ شِبْهُنْ بِالنَّصَارَ. C'est-à-dire que les nasara, ils adorent Allah Azza wa Jal avec du shirk, avec de l'associanisme. وَالشَّهِدْ هِيَ الْعِبَارَ الْأُولَى مَنْ فَسَدَ مِنْ عُلَمَائِنَا فَفِيهِ شِبْهُنْ مِنَ الْيَهُودِ أَوْ فِيهِ شِبْهُنْ بِالْيَهُودِ. Celui qui est corrompu parmi nos savants, il ressemble. Ici, on ne dit pas qu'il est yahoudi. Il ne faut pas dire que voilà, on fait le takfir des savants. Non, fihi shibah. C'est-à-dire qu'il a des caractéristiques en lui de yahoud. Parmi les caractéristiques du yahoud, c'est qu'ils avaient la science. Wa ja'a kadhalik an Ziyad ibn Khudayr qala li Umar radiyallahu anhu hal ta'rifu ma yahdimu l'islam hal ta'rifu ما يهدم الإسلام؟ قال قلت لا. قال يهدمه زلة عالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. والحديث رواه الدارمي. Donc عمر بن الخطاب رضي الله عنه il a demandé à Ziyad ibn Khudayr, il lui a dit est-ce que tu sais ce qui démolit l'islam? Est-ce que tu sais ce qui démolit l'islam? Il a dit non, je ne sais pas. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a dit, ce qui démolit l'islam, c'est la faute ou l'erreur d'un savant. C'est l'erreur d'un savant. وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ. Et le débat avec le débat d'un hypocrite avec le livre et le jugement des dirigeants égarés. Donc, on avait des savants qui disaient, on voudrait, le but c'est tatbiq sharia. Le but de chaque musulman, c'est être sous l'ombre des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَتَخَلَّ الْكَثِيرُ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي مُنَاصَرَةِ تَطْبِيقِ الشَّرِيعَةِ Ils ont délaissé ce but et cette ghaya, cet objectif. C'est que, pourquoi Allah Azza wa Jalla a fait descendre le Coran? Pourquoi il y a des jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran si on ne les applique pas? Et ces personnes font l'effort d'avoir un État islamique. بَلْ نَرَى بَعْدَ النَّاسِ بَعْدَ الْعُلَمَاءِ مُسَانَدَةِ مُحَارِبِ اللَّهِ Donc on voit certains savants et certains prédicateurs, ils s'allient avec ceux qui combattent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc parmi l'asbab qu'on va voir, bi'idhnillah, parmi les causes qui font que la personne, elle change ses préceptes, on va les voir, bi'idhnillah. Donc, al-maqsoud bil-intikas, dans la langue arabe, intikas, et on dit la personne, intakas. والانتكاس هو قلب الشيء على رأسه فيصبح مقلوبا الانتكاس c'est quoi? C'est changer, c'est retourner la chose, faire en sorte que le bas soit en haut et que le haut soit en bas. C'est retourner la chose. هذا هو الانتكاس. Et donc, quand on dit quelqu'un intakas dans l'arabe, c'est qu'il a changé, vraiment, il a changé ses préceptes. Shar'an, il a changé ses préceptes. Et la première des causes qui fait changer les préceptes d'un croyant, c'est Al-Kibr. La première chose, c'est Al-Kibr, c'est l'orgueil. Les orgueilleux, ils font quoi? Ils repoussent la vérité et ils se sentent supérieurs aux autres. Quand j'ai fait hadith, قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Dans le hadith que vous connaissez, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quiconque possède un grain d'orgueil, de kibr dans son cœur, n'entrera pas au paradis. فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَن يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا. Donc une personne a dit, on lui a demandé, on lui a dit, ya Rasulullah, un homme aime avoir de beaux vêtements et de belles chaussures. Est-ce que c'est inclus dans le kibr? Est-ce que ça fait partie du kibr? Il a répondu non. Allah est beau et il aime la beauté. قال لا إن الله تعالى جميل يحب الجمال. Al-Kibr, ensuite le prophète عليه الصلاة والسلام il t'a montré et c'est la meilleure définition de l'Kibr. C'est le prophète عليه الصلاة والسلام. Le hadith est dans Sahih Muslim. Le hadith est dans Sahih Muslim. Le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit Al-Kibr بطر الحق وغمط الناس. Al-Kibr بطر الحق وغمط الناس. Donc il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام elle dit, Al-Kibr, c'est quoi? C'est le rejet de la vérité. Batrul Haq. C'est la personne, elle rejette la vérité. Et le mépris des gens. Wa ghamtun nas. Et le mépris des gens. Et la parole Batrul Haq, c'est quelqu'un qui repousse, il veut pas accepter la vérité. Il connaît la vérité, il la repousse. Wa ghamtun nas, c'est le mépris, la condescendance vis-à-vis d'autrui. Ou Al-Kibr en entier, il s'oppose à la foi. Al-Kibr, il s'oppose à la foi. Comme celui qui a le poids d'un atome d'orgueil dans son cœur n'agira pas selon ce que Allah a prescrit. Celui qui a ne serait-ce le poids d'un atome d'orgueil dans le cœur, il n'agira pas selon ce que Allah a prescrit. Et il ne s'abstiendra pas non plus de ce que Allah a interdit. Elle est qaïda. Donc, son orgueil aboutira à son désaveu et au rejet de la vérité. Et il lui insufflera, cet orgueil lui insufflera en lui le mépris des autres. Elle est qaïda. Et donc, هؤلاء العلماء يذكرونني بما رواه أهل السير nous rappelle ce que les gens qui ont rapporté à Tariq, un رجل اسمه جبل بن أيهم avec الياء كان يعني من الملوك فأسلم وجاء مسلما فبينما هو يطوف بالبيت دس على ثيابه رجل فاستدار جبل ولكمه فذهب الرجل إلى عمر رضي الله عنه، وهذا كان في زمن عمر رضي الله عنه، وقال أفدني منه. فقال عمر رضي الله عنه ألطمه بمثلها. فقال جبل أنا أضرب؟ قال عمر رضي الله عنه نعم تضرب. قال أوجهي كوجه هذا المزاني؟ فقال عمر رضي الله عنه دع عنك هذا، إن الإسلام سوى بينك وبينه، ولا فضل لك عليه ولا فضل لك له عليك إلا بالتقوى. فقال دعني أفكر. فلما كان نصف الليل ذهب والتحق بالروم. Donc cette histoire de cet homme qui est venu voir Omar ibn Khattab, en fait, c'est quelqu'un qui est entré dans l'islam et pendant qu'il faisait tawaf autour de la Kaaba, il tournait, il faisait les rites autour de la Kaaba, quelqu'un a marché sur ses habits. Donc qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il s'appelle Jebla. Il s'est retourné et il lui a mis un coup de poing sur la figure. Donc l'homme qui a reçu le coup de poing, il est parti voir Omar ibn Khattab radiallahu anhu. C'était pendant la période de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Il lui a dit, voilà, cette personne, elle m'a mis un coup de poing. Donc, afdini minho, donc rends justice. Qu'est-ce qu'il a dit Omar ibn Khattab radiallahu anhu? Il lui a dit, remis-lui un coup de poing. Remis-lui un coup de poing, comme il t'a fait. Faqala jabla ana udrab, il a dit, est-ce que moi je vais être frappé? Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a dit, oui, tu seras frappé. Faqal, awajhi kawajhada, il dit, est-ce que ma figure ressemble à cette figure? C'est-à-dire, j'ai une belle figure, hada sinkar. Faqal, Omar radiallahu anhu, da'an kahada, ne me parle pas de ça. L'islam est venu pour rendre tout le monde égal. La fadla laka alayhi, t'as pas de mérite sur lui. Et lui, il n'a pas de mérite sur toi qu'avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a que, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça relate et ça renvoie à un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, asbab l'intikas, on a dit c'est l'orgueil. L'orgueil. Wa as-sahih annahu yajibu ala al-kulli ar-ruju' ila hukmillah. Donc ici, Omar ibn Khattab, quand tu lui as dit tu lui mets un coup de poing, ça c'est quoi? C'est la loi du talion. Al-qisas. Il t'a mis un coup de poing, tu lui mets un coup de poing. Ici, on a wujub ar-ruju' ila hukmillah. Ici, on a l'obligation de revenir au jugement et à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui subhanahu wa ta'ala. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne le savent pas. وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, في سورة الأحزاب, il a dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur décision. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, s'est égaré certes d'un égarement évident. Donc t'as pas le choix. Le croyant, il a pas le choix. وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ton jugement. ويسلموا تسليما. Donc après on a la deuxième, donc la première des causes, c'est rejeter l'orgueil, c'est rejeter la vérité. Tu veux pas te soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, par orgueil. On a vu que l'orgueil c'est battre le haqq wa ghamtun nas, c'est repousser la vérité et mépriser les gens. Repousser la vérité et mépriser les gens. La deuxième des causes qui fait que la personne elle change ses préceptes, c'est at-tadabdhub wa taraddud. Ça veut dire quoi at-tadabdhub? C'est-à-dire, c'est un mouvement de va-et-vient, comme une pendule. La personne, elle n'est pas stable. Ou taraddud, l'hésitation. Elle hésite, la personne, elle hésite. Elle n'a pas le yaqin, elle n'a pas la certitude. Ou tazabdub, en yakoun al-mar'u, naziran ila jihataini al-mutaqabilatain. Faman haqqaqa lahu maslaha, wa shahwa kana ma'ah. Donc, tazabdub, en fait, c'est un mouvement de va-et-vient. C'est la personne, elle regarde vers les deux endroits. Si un côté, il a une maslaha, il a un intérêt d'un côté, il va du côté où il a l'intérêt. Et s'il a l'intérêt avec l'autre côté, eh ben il laisse le premier côté et il va avec le deuxième côté. Donc, At-Tadabdoub, c'est la personne, elle suit son hawa, elle suit c'est sa passion, elle suit pas le haqq. D'accord ? Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَا أُولَى وَلَا إِلَهَا أُولَى وَمَنْ يُضِّ لِلَّهِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat An-Nisa, il dit, ils sont indécis, c'est-à-dire entre les croyants et les kuffars. Donc, voilà les deux côtés. Ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni à ni aux uns, ni aux autres. Or, quiconque Allah égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. Donc, parmi la deuxième cause qui fait changer le précepte, c'est At-Tadabdoub, on a dit, le fait de pas suivre le haqq, mais de regarder vers les kuffars et vers les croyants. Et là où tu as un intérêt, si tu as un intérêt avec les kuffars, tu les suis. Et si tu as un intérêt avec les croyants, tu les suis. Donc là où il y a ton intérêt, tu les suis. Et le fait d'avoir cette caractéristique de suivre ses intérêts et de ne pas suivre la vérité, c'est une caractéristique qui est soulignée par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٍ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٍ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Cette caractéristique, elle est soulignée par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils sont tranquilles, ils sont heureux. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien de la vie ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Et la troisième des causes qui font changer les préceptes de la doctrine, c'est Al-Mihan wa Shada'id. Al-Mihan wa Shada'id. C'est les épreuves et l'adversité. C'est l'épreuve et l'adversité. La personne, quand elle est dans une épreuve ou dans une adversité, elle change ses préceptes. Elle change ses préceptes. Et l'épreuve et l'adversité, c'est une sunna que Allah Azza wa Jal a fait descendre sur les croyants. Il n'y a personne qui n'est pas éprouvé. Tout le monde est éprouvé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Dans surat Al-Ankabut, verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, les hommes, s'imaginent-ils qu'on va les laisser dire, on croit, sans les mettre à l'épreuve? Allah subhanahu wa ta'ala te met à l'épreuve, t'éprouve. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur. Allah Azza wa Jalla dans ce verset, il n'a pas employé toute la peur. Il a dit, on va vous éprouver par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait et annonce la bonne nouvelle aux endurants. La personne qui change ses préceptes, elle est la cause qui peut la mener à changer ses préceptes, c'est le fait d'être éprouvé et d'être dans l'adversité. Et les gens, donc, dans cette troisième cause, qui est l'épreuve et l'adversité, c'est les gens, ils sont deux sortes. On a deux sortes de personnes dans cette situation-là. La première situation, c'est la personne qui va être dans l'épreuve et l'adversité, comment elle va réagir? Comment elle va réagir? Elle va être patiente et elle va attendre la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat Al-Imran, الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, ceux auxquels on a dit, les gens se sont rassemblés contre vous. Tous les États, les États-Unis, la France, tous les États se sont rassemblés pour vous combattre. Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela a accru leur foi. Cela a augmenté leur foi. Et ils ont dit quoi? Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Ils ont dit quoi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. وقال سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Et quand les croyants, ils ont vu les colisés, ils ont dit quoi? Voilà ce que Allah et son messager nous ont promis. Et Allah et son messager ont dit vrai. Et cela a fait augmenter leur foi et leur soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première situation par rapport à celui qui est éprouvé et par rapport à celui qui est dans une qui vit l'adversité. La deuxième situation, c'est celui qui perd tout. Al-Munhazim, le perdant. Quand il est dans cette situation-là, il fait quoi? Qala subhanahu wa ta'ala وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعْلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمْ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. Donc la deuxième situation, c'est des gens qui sont vraiment perdants quand ils sont dans une situation d'épreuve et d'adversité. Parmi les gens, il en est qui disent, nous croyons en Allah. Puis, si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Or, s'il y a un secours d'Allah qui vient, ils disent quoi? Ils disent quoi aux croyants? Ils disent, nous étions pas avec vous, on vous a aidé, on vous a secouru. Allah n'est-il pas le meilleur à savoir ce qu'ils avaient dans le cœur? Allah, c'est très bien ce qu'ils avaient dans le cœur. Donc voilà la situation de celui qui perd tout quand il est dans une épreuve. Par rapport aux gens de l'extérieur, face à ces gens qui vivent ces causes qu'on a citées, Al-Kibr, on a vu le fait d'être dans une épreuve et dans l'adversité, c'est quoi? C'est Al-Nusah. C'est faire Nasiha. Faire le conseil. C'est-à-dire faire le conseil pour que ces gens-là reviennent sur la vérité et mettre en garde et contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate At-Tawbah قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Les trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que la terre est devenue, qui était vaste, est devenue exiguë. Et ils se sont sentis à l'étroit dans leur propre personne. Et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès d'Allah. Puis Allah Azza wa Jal leur a donné le repentir pour qu'ils puissent revenir, car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'accueillant, le miséricordieux. Et donc ça, c'est l'histoire de Ka'b. Quatrième cause, wa at-tanfir min al-fi'l. Quatrième cause, c'est aussi repousser les gens de faire des actes d'adoration, des actes qui les font rapprocher d'Allah, et repousser les gens. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont de la science, mais qui ne laissent pas les gens œuvrer. Qala subhanahu wa ta'ala, واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Le shaitan l'a entraîné dans sa suite et devient ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Et il est semblable à un chien qui allaite si tu l'attaques et qui allaite aussi si tu le délaisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit, peut-être réfléchiront-ils. Donc, et ces gens-là, pour terminer, Al-Aqiba, fi dunya mada, qala subhanahu wa ta'ala, qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana, yatihuna fil ardi, fala ta'sa ala al-qawmi al-fasiqin. C'est quoi le résultat de ces gens-là, qui sont comme ça, qui délaissent, qui changent leurs préceptes, dans la doctrine, Allah subhanahu wa ta'ala dit, eh bien, ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lesquels ils seront égarés sur terre. Et ne te tourmente pas pour ce peuple pervers. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وأن ينجينا من المضلات وأن ينصر المجاهدين وأن يرفع لا إله راية لا إله إلا الله في كل مكان وأن يمكن لهذا الدين في بقاع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يعافينا وأن يشافي مرضانا إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته